Salut Fred, émission. Mais ce que t'as oublié de dire. Et les clubs et les meufs dans le RER. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. Salut bande de tarés. C'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on écoute à la radio? Blockbuster sur EFI. Salut Blockbuster, merci pour votre émission sur les inconnus. Moi, je les ai découverts, j'étais enfant, je devais avoir 8 ou 9 ans. Donc, la plupart du temps, je comprenais pas toutes les subtilités. Ça s'apparentait plus à du clown. Hein. Ils étaient grimés, maquillés, ils changeaient leur voix. Et j'étais explosée de rire quand j'entendais... Mais vous allez dire de dire arrête. Ou alors même quand il disait Ingrid, est-ce que tu baisses? On comprenait rien, mais ça en était mort de rire. Et je passais en boucle les chansons et mes grands-parents étaient outrés parce qu'ils trouvaient ça tellement vulgaire. Et moi je comprenais pas tout, mais j'adorais ça. Et du coup je voulais vous remercier parce que ça m'a rappelé des bons souvenirs d'enfance. Merci Blockbuster. To be or not to be, not to be. En 1961, Jack Kirby et Stan Lee, le savoir-faire et le faire-savoir des éditions Marvel, créent la première équipe de super-héros qui va poser les bases du monde tel de Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui, les 4 Fantastiques. Lors d'un vol spatial expérimental, 4 astronautes sont accidentellement exposés à des radiations cosmiques qui vont leur conférer des pouvoirs exceptionnels. Il y a le chef, Reed Richards, un génie, qui ne doit pas l'être autant que ça pour être parti dans l'espace avec une équipe non qualifiée, à qui les radiations vont donner la possibilité d'étirer son corps tel un élastique et qui va choisir un pseudo habituellement utilisé par des beaufs sur Tinder, Mister Fantastic. Son meilleur ami, Benjamin Grimm, lui aussi sera moins chanceux et va se voir transformé en une sorte de monstre de pierre aux yeux bleus qui sera rebaptisé La Chose, surnom qui ne doit sûrement pas aider à la confiance en soi. Johnny Storm, son beau-frère, un beau gosse blond, chaud comme une baraque à frites, lui aura le pouvoir de se transformer en torche humaine, comme Jeanne d'Arc, mais pas qu'une fois. Et enfin, Sue Storm, celle que Reed finira par épouser, va hériter du pouvoir de devenir invisible. Oui, dans la première équipe de super-héros du monde Marvel, la seule femme du groupe avait pour pouvoir de ne pas être vue. Alors bien sûr, il faut se remettre dans le contexte des années 60, les 4 Fantastiques, aussi innovatrices qu'aient pu être cette série, demeurent un miroir de son époque. Bien sûr, de scénariste en scénariste, le rôle de Sue Storm, conformément aux évolutions de la société, a changé, jusqu'à faire d'elle l'un des membres les plus puissants des 4 Fantastiques. Mais tout de même, son évolution illustre parfaitement la place qu'on réservait à la moitié de l'humanité dans les comics. Les super-héroïnes ont longtemps été sous ou mal représentées dans les comic books. Et jusqu'il n'y a pas très longtemps, l'idée même de super-héroïne sur grand écran était pour quelques décideurs réactionnaires synonyme d'échec au box-office. Pourtant, en 2017, tout comme en 1941, un personnage a su faire taire les préjugés des rageux. Un personnage aussi connu que Batman, Superman, l'incroyable Amazon de Themyscira, Wonder Woman. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Bien joué, Diana. Mais sois gentille avec Artemis, que tu le crois ou non, il fut un temps où elle était la guerrière la plus redoutable de nous toutes. Et je le serais encore si j'avais la chance de participer à un vrai combat. Alors ne m'en veux pas, Artemis, si je suis reconnaissante que cette chance ne te soit jamais accordée. Si ce que vous dites est vrai, mère, alors à quoi tous ces entraînements quotidiens nous servent-ils? À pardonner de temps à autre une leçon d'humilité à Artemis? Nous nous entraînons parce que nous devons toujours rester vigilantes. Une fois, j'ai baissé ma garde et nous en avons payé le prix fort. Mais, ma reine, baisser notre garde est exactement ce que nous devons faire. Et c'est pourquoi maintenant, avant qu'un nouveau siècle ne s'écoule, le moment est venu pour nous de reprendre contact avec l'ancien monde. Même si c'est seulement pour ajouter de nouveaux livres à notre bibliothèque. Alexa a peut-être raison. Ne serait-il pas possible qu'avec le temps, le monde des hommes ait fini par s'améliorer? En 1941, lorsque le psychologue William Moulton Marston, l'inventeur présumé du détecteur de mensonges, crée Wonder Woman dans le numéro 8 du All-Star Comics, il a l'ambition de créer un personnage féministe susceptible d'inspirer aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite dans le sport ou les activités traditionnellement occupées par les hommes. Ainsi naît Diana Prince, l'Amazone, fille de la reine Hippolyta, aussi iconique que paradoxale. Une féministe imaginée et dessinée par des hommes, guerrière mais ambassadrice de la paix, déesse mythologique de contes et légendes plongée depuis 80 ans dans une société occidentale censée être contemporaine. Pour revenir sur un des personnages les plus populaires, mais aussi un des plus complexes de la maison d'édition DC Comics, j'ai à mes côtés Océane Zerbini. Bonjour. Bonjour Fred. Alors, vous êtes la fondatrice du podcast The Lemon Adaptation Club. Tout à fait. Et votre dernier podcast en date était consacré au roman Rebecca. Tout à fait. Et à cette adaptation. Et vous avez aussi lancé un nouveau podcast, Infusion, consacré au thé. C'est ça, parce que quoi de meilleur que de boire un bon thé en lisant du Wonder Woman. Oh, c'est la classe. Jérémy Manès, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, comédien, traducteur de comics et consultant pour Panini Comics. Votre pièce On en est là reprendra au Café de la Gare dès que les salles ont le droit de rouvrir. Hein, voilà, ouais. On en est tous là. Et vous venez de traduire Promethea d'Alan Moore, qui est un petit peu la fille spirituelle de Wonder Woman. Carrément, oui. Avec nous également Arnaud Tomassini, bonjour. Hello. Vous êtes journaliste culturel et rédacteur en chef de comicsblog.fr, le premier site spécialisé en comics en France. Vous êtes aussi le créateur du podcast The Pulse, dédié au journalisme culturel, et vous avez lancé votre nouveau média podcast 100% comics, baptisé First Print. C'est un très bon résumé, Frédéric, merci. Merci de me l'avoir communiqué. Et enfin avec nous, Mélanie Boissonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, chercheuse en cinéma, et vous avez publié en octobre dernier l'ouvrage Héroïne de Madame Bovary à Wonder Woman, aux éditions Larousse, coécrit avec Laurent Julliet. Et en 2019, vous avez publié Pin-Up au temps du pré-code, de 1930 à 1934, aux éditions Leitmotiv. Exactement. Ensemble, on va revenir sur l'histoire de Wonder Woman, de sa création aux nombreuses adaptations qui ont pu en être faites. On pense bien évidemment à la série culte de Linda Carter, ou plus proche de nous, au film de Patty Jenkins. On évoquera la personnalité de William Moulton Marston, cet iconoclaste, adepte du polyamour. On parlera de la représentation des femmes dans l'univers du super-héros, de son évolution, mais aussi du mouvement de résistance conservatrice qu'elle suscite. Quel Wonder Woman faut-il avoir lu pour capter l'essence du personnage ? Bref, pendant une heure, on va essayer de cerner l'incroyable richesse de cette fabuleuse héroïne qu'est Wonder Woman. Welcome to Themyscira. Bienvenue à Themyscira. We are the Amazons. Nous sommes les Amazones. We live simple lives and nous vivons de façon simple et nous souhaitons continuer ainsi. There are a few questions we'd like Il y a to quelques ask questions you. Que nous aimerions vous poser. Sorry, ma'am. La vraie madame. Soldiers don't talk. Les soldats ne parlent pas. I'm into the kinky stuff too. Moi aussi, j'aime les trucs un petit peu coquins, mais enfin, si vous croyez que ça va me rendre plus bavard... Déclinez votre identité. United States Air Force. Colonel Stephen Rockwell Trevor, des forces aériennes des États-Unis. This lasso was designed to Ce lasso a été conçu pour désactiver la nature peu fiable des êtres humains. You cannot resist its Vous ne pouvez pas résister à ses pouvoirs. What interest does your government Pour quelle raison votre gouvernement s'intéresse à notre île ? My government is completely unaware Mon gouvernement ignore complètement l'existence de votre île. Je suis ici uniquement parce que mon avion a été endommagé. I don't have to put up with this crap. Arrêtez de m'interroger, ça fait mal, merde ! We are unfamiliar with L'expression que vous venez d'utiliser ne nous est pas familière. What does crap que signifie le mot merde ? No. Pardon. Forget I even said it. Oubliez ce que je viens de dire. It's another word for excrement. C'est un synonyme du mot excrément. You happy now, Vous lady? Êtes contente maintenant ? See my child. Tu vois, mon enfant, n'est-ce pas comme je te l'ai toujours dit ? Hear the true nature of man. Voici la véritable nature de l'homme mise à nu. What other depraved thoughts? Y aurait-il d'autres pensées dépravées dont vous voudriez nous faire part ? God, your daughter's got a nice rack. Oui, votre fille a une belle paire de nibards. Shall I kill him now? Voulez-vous que je le tue maintenant, ma reine ? This pilot poses Ce pilote ne représente aucune menace pour notre peuple. Therefore, Par conséquent, il est de notre devoir de veiller à ce qu'il rentre en sécurité vers le monde extérieur. As in ancient times, Comme dans l'ancien temps, un tournoi va déterminer qui sera notre émissaire vers le monde extérieur. Artemis, make the arrangements. Prends les dispositions nécessaires. Vous venez d'entendre un extrait du dessin animé Wonder Woman sorti en 2009, hein, parce que j'avais le choix entre le film ou le dessin animé. En fait, je préfère le dessin animé. Réalisé par Lauren Montgomery sur un scénario de Gail Simon et Michael Jelenic. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre en VO, vous avez entendu Virginia Madsen, Nathan Fillion et Rosario Dawson. Et en version française, Alexis Victor, Malvina Germain et Catherine Desplace. Océane Zerbini. Rapidement, pour présenter à celle du fond, ou deux ou trois du fond qui ne connaîtraient pas, qui est Wonder Woman ? Alors, Wonder Woman est la fille de la reine Hippolyte. Donc, elle fait partie d'une tribu d'Amazones qui vivent sur l'île Themyscira où il n'y a que des femmes et aucun homme. Et en fait, on va finir par la découvrir à travers Steve Trevor notamment, qui débarque sur son île et qui lui dit bah écoute par rapport qui s'est écrasé en fait qui s'est écrasé sur son île et qui lui dit bah écoute par rapport à ton monde où il n'y a aucun homme viens dans le monde des humains pour pour voir comment s'opposent les valeurs de ton île Themyscira au monde des hommes. Et effectivement, donc Wonder Woman a un nombre incalculable de pouvoirs. Je pense notamment à la télépathie animale, à la super force, elle a un lasso de vérité aussi. Donc, elle correspond vraiment à une sorte de perfection humaine. C'est-à-dire que c'est une déesse vraiment dans le sens entier du mot déesse, c'est-à-dire que elle est immortelle. Mais d'ailleurs, ça prend Wonder Woman a pour base les récits mythologiques et notamment c'est cette tribu des Amazones qui est avec ce fameux épisode dans les travaux d'Hercule où Hercule vole la ceinture de la reine Hippolyta, ce qui est une autre manière de dire qu'il abusait d'elle. Et dans cette version, en fait, la reine Hippolyte en fait aurait réussi à échapper à Hercule et aurait demandé la protection des dieux. Et c'est pour ça en fait qu'on leur a accordé une immortalité qui font qu'il n'y a plus de naissance, mais ils vivent, toutes les Amazones vivent sur cette île avec une force qui est supérieure à celle des mortels. C'est ça, et puis point très intéressant aussi, c'est que son demi-frère Arès est le dieu de la guerre, qui a une importance toute particulière dans son histoire, puisqu'il incarne l'opposé de ce qu'est Wonder Woman. Et c'est ça aussi une des dimensions les plus intéressantes à mon sens du personnage. Alors initialement, si je me souviens bien, dans la jeunesse de Wonder Woman, elle avait, sa mère Hippolyte avait demandé un enfant au dieu de l'Olympe et ça lui avait été accordé et elle avait façonné sa fille dans la glaise. Le fait que tout d'un coup on lui découvre une ascendance, qu'elle soit dans certaines versions la fille d'Héraclès, dans une autre la fille de Zeus, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard dans des versions alternatives de Wonder Woman. Notamment dans le dessin animé dont on a entendu un extrait qui insiste sur cette dimension. Ouais. Arnaud Tomassini, on ne peut évidemment pas faire l'impasse sur le créateur William Moulton Marston. Qui était-il ? Parce qu'en fait, il a un profil complètement différent des créateurs de comics habituels. On rappelle qu'on est dans les années 40 et voilà un psychologue qui débarque. Ouais, c'est un psychologue, effectivement, qui en fait avait énoncé, alors qu'il avait été dans une interview, clamé son amour pour le comic book et vraiment le fait qu'il pensait que c'était vraiment un outil puissant en fait pour communiquer des idées. Ça a intéressé l'éditeur Max Gaines, donc qui était l'éditeur de ce qui allait devenir ensuite DC Comics, et qui lui a proposé en fait de faire de la bande dessinée. C'est lui qui a ensuite créé donc Wonder Woman avec le dessinateur H.G. Peter. Et c'était quelqu'un qui était féministe pour l'époque. Alors je sais pas si c'est le même féminisme actuel. Il faut le rappeler et c'est vraiment très important. Oui, on parle de 1940. Voilà. Mais c'était quelqu'un par contre qui était réellement convaincu que les femmes devaient dominer le monde, grosso modo. Enfin voilà, devaient diriger le monde. Et il le dit, il a même lui-même dit en interview que Wonder Woman était un petit peu l'idéal. Enfin ce qu'il estimait être l'idéal féminin qui devait gouverner à la place des hommes. Et c'était quelqu'un qui avait une vie privée, ça on peut pas faire l'impasse dessus non plus, assez atypique, d'autant plus pour les mœurs de l'époque, puisqu'il était dans une relation avec deux femmes. Donc il y avait Elizabeth Marston, qui était donc sa femme avec qui il était marié, et il y avait donc une jeune dame qui était leur concubine à tous les deux, donc Olive Byrne. Ces deux femmes qui étaient donc les femmes de sa vie, en fait, l'ont inspiré à de multiples égards pour façonner le personnage, tant sur son caractère, sur aussi ses pouvoirs et ses capacités. Donc tu l'as mentionné dans l'introduction, il avait inventé le détecteur de mensonges, c'est de là que vient l'asso de vérité, les bracelets qu'il a inventés, les bracelets qui permettent en fait de contrôler à Wonder Woman de contrôler ses pouvoirs, qu'il appelle un peu les bracelets de soumission, viennent aussi en fait de bracelets que portait Olive Byrne, et de toute façon l'apparence générale d'Olive a donné donc un peu le portrait de Wonder Woman. Et il y a notamment un film pas forcément adoubé par toute la descendance Marston, mais qui s'appelle Professor Marston and the Wonder Woman d'Angela Robinson, qui permet vraiment de voir comment en fait cette vie atypique a permis avec de faciliter. Et l'excellente Rebecca Hall. Et c'est My Wonder Woman en français, si vous voulez le trouver. J'aime pas du tout, mais je voulais vraiment le titre VOS, que je déteste le titre VS. Mais voilà, qui permet un petit peu de voir de façon romancée tout ça, mais voir vraiment les inspirations multiples, en fait, en fait, même si c'est un homme qui l'a créé, s'il n'avait pas eu ces deux femmes dans sa vie, il n'y aurait pas eu Wonder Woman telle qu'elle, ça c'est évident. Et alors, c'est vrai que quand on dit tout de suite un homme vit avec deux femmes, on imagine que ça ne va que dans un sens, mais les deux femmes elles-mêmes ont développé un amour très important l'une pour l'autre. C'est un vrai trouple, c'est-à-dire que là, on a vraiment trois personnes qui étaient toutes les trois amoureuses les unes des autres. Et il y a eu des enfants élevés ensemble comme frères et sœurs. Donc on est vraiment vers un schéma qui est complètement singulier. Et d'autant que voilà, comme vous l'avez dit, c'est aussi l'inventeur du détecteur de mensonges. Donc derrière Wonder Woman, il y avait cette envie d'avoir un outil de propagande qui est surtout aussi une sorte de laboratoire d'expérimentation par rapport à ses propres doctrines, qui était en fait la soumission à une autorité aimante. C'est-à-dire que pour William Moulton Marston, il fallait créer des personnages féminins très très forts. Plus fort que les hommes, pour que les hommes puissent prendre plaisir à être soumises par des femmes fortes. Comme ça, si jamais ils étaient habitués à le faire et à aimer ça en bande dessinée, plus tard, ça les gênerait pas d'avoir des femmes en position de pouvoir au-dessus d'eux et même d'y prendre du plaisir. Mmh. Et évidemment, c'est une notion du féminisme qui n'appartient qu'à lui, mais qu'on peut paradoxalement retrouver aujourd'hui de manière très concrète dans la soumission qu'on peut avoir par rapport à des réseaux sociaux avec les likes ou cette manière en fait de d'être dans quelque chose de dictatorial, mais dans lequel on accepte consciemment de dire oh bah tu peux prendre mes libertés parce que j'y prends du plaisir aussi. Et en fait, c'est cette dimension-là que j'ai lu dans ses écrits. C'est ça qu'il voulait expliquer. C'était peut-être aussi juste une justification pour dire j'aimerais bien avoir plusieurs il femmes. Il se faire dominer. Ouais. Oui, voilà. Il y a ça là-dedans. Il y a aussi cet aspect amateur de bondage qu'on retrouve évidemment dans Wonder Woman. Hein. C'est là où est le comment la. Jérémy Manès. L'ambivalence du féminisme de Marston, c'est-à-dire que au final c'est de faire que les femmes soient comme lui, il aime bien les femmes. Oui. Finalement. Donc ça reste assez moi les nanas je les préfère comme ça, donc faisons en sorte que qu'elles nous dominent et moi je serais très content. Alors, on va continuer de parler de Wonder Woman, mais on ne pouvait pas passer à côté du générique culte de la série des années 70 avec Linda Carter. On écoute le générique de Wonder Woman. Ça met toujours la patate. Et j'en profite pour vous dire que cette émission est réalisée comme toujours par Céline Hila qui est là, qui me soutient. Et elle a été préparée par Jeanne Paravert qui me supporte. Et aujourd'hui à la technique, Philippe Mercher. Tu t'es battu avec honneur et intelligence. Les dieux t'accompagneront avec les cadeaux que je m'apprête à te donner. Comme le veut la coutume, notre émissaire revêtira les couleurs de la nation étrangère en guise de respect et de paix. Les bracelets Amazon qui ont été forgés à partir du bouclier de Zeus par Héphaïstos lui-même. Et pour finir, le lasso de la vérité. Il nous a été légué par la déesse Hestia. Il fut envoyé ici par flèche depuis le mont Olympe. Maintenant, montre-nous ton visage, guerrière, afin que l'on puisse pleinement te rendre honneur. Je suis convaincue que tu mèneras cette mission à bien, ma fille. Mélanie Boissonneau, que représente Wonder Woman dans l'histoire des héroïnes sur grand écran ? Alors sur grand écran, c'est la révolution, tout simplement, parce que avant Wonder Woman, on avait trois héroïnes seulement qui ont porté un film sur leur seul nom. Et donc c'est Supergirl, Elektra et Catwoman. Aïe. Voilà. Voilà. Donc ça a été un peu compliqué, on va dire, au box office, dans les critiques, les trois films se sont ont été des échecs énormes. Et Tank Girl aussi. mais voilà, quand Wonder Woman arrive enfin en 2017, parce qu'on quand même on l'a attendu, elle a été plein de fois reportée, on a eu plein d'actrices différentes imaginées, et là quand elle débarque et qu'elle fait un carton, c'est enfin quoi. Enfin, une super-héroïne peut porter un film. Et elle apparaît initialement dans Batman versus Superman de Zack Snyder. Alors elle apparaît, mais alors ça c'est quand on regarde les films, elle apparaît un peu différemment parce qu'elle est pas du tout filmée de la même façon par Zack Snyder que par Patty Jenkins. Zack Snyder quand même adore les plans fesses, on va dire. Oui. Donc il est souvent derrière Wonder Woman. Alors que Patty Jenkins, le fameux male gaze. Voilà. Alors que Patty Jenkins, il faut admettre qu'elle filme, elle va se concentrer sur les parties qui sont dans l'action, donc les muscles, les mollets, les bras, etc. Et elle a vraiment une image complètement différente dans le film de Patty Jenkins. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque de la sortie du comic book, Wonder Woman fait jeu égal avec Superman et Batman, qui l'ont précédé de quelques années. Et ça commence à poser problème, c'est-à-dire que assez rapidement, des ligues de censure américaines commencent à sentir les messages cachés par Moulton Marston dans son œuvre, et le voient de manière assez un peu évidente, et commencent d'ailleurs à lui demander des comptes sur les scènes de bondage, de fessées, et etc. Ces scènes où on voit Wonder Woman attachée avec des chaînes, et on se demande si on n'a pas affaire à une œuvre. On est aux États-Unis, hein, donc ça va très très vite pour dire c'est de la pornographie, mais on commence aussi à accuser Moulton Marston de pervertir les esprits. C'est clairement la provocation, et même les couvertures montrées Wonder Woman attachée et tout ça. Donc, c'est vrai que montrer ça à des enfants de 10-11 ans, c'est vrai que les parents ont un peu buggé au départ, je pense. Après, c'est quand même une époque qui était très, très propre sur elle, et qui, et je pense que Wonder Woman a aussi contribué à ce que le code EYES arrive, mine de rien. Et en tout cas, c'est vrai que, malheureusement, elle en aura été une victime pendant assez longtemps. Parce que c'est vrai que le propos avec le code EYES a dû être un petit peu assoupli. Donc, pour rappeler vite ce qu'est le code EYES, c'est une doctrine américaine qui interdisait un grand nombre d'éléments et de représentations dans les films, dans les séries et dans les comics, notamment des relations entre personnes du même sexe, des minorités aussi, et la place de la femme était aussi un petit peu réduite. Donc c'est vrai que ce film, ce comics en aura été un petit peu la victime comparé, je trouve, à Batman et Superman, qui s'en sont mieux sortis bizarrement parce qu'il y avait peut-être un peu moins de femmes à mettre en avant dedans. Mais ce qui est d'ailleurs hyper révélateur, c'est que dès l'instant où William Moulton Marston est décédé, et donc cessé d'écrire, on l'imagine, pour Wonder Woman, le personnage a été placardisé, c'est-à-dire qu'elle a perdu ses pouvoirs, et elle s'est même retrouvée dans des situations surréalistes où elle était secrétaire de la Justice Society of America, où elle amenait le café aux super-héros hommes qui allaient donc mener leur mission. Et il aura fallu attendre l'avènement de la série avec Linda Carter pour qu'elle revienne en odeur de sainteté, et qu'ensuite George Perez relance, reboot la série. Et ça, c'est 15 ans plus tard. Donc c'est quand même énorme d'avoir un tel passage à vide pour un personnage qui, aujourd'hui, est aussi important, parce que on parle de DC Comics comme d'une trinité. Il y a Batman, Superman et Wonder Woman, et en fait quand on s'intéresse au comic book, et là je me tourne vers Mélanie Boissonneau, il y a chez Wonder Woman il y a cette idée qu'elle est même presque plus alien que Superman. Superman, lui, a été élevé parmi les humains, il a un référentiel. Wonder Woman n'est pas orpheline. C'est une créature magique. Elle n'a pas de père. Elle n'a qu'une mère. Elle l'a pas perdue. Elle a grandi dans l'amour avec ses sœurs. Elle est surpuissante et elle arrive dans la société des hommes vraiment, mais comme une divinité qui porterait parfaite, qui porterait un regard critique sur ce que les hommes ont fait. Mais elle n'est pas femme. elle est déesse. Alors oui, elle est déesse, mais ce qui est intéressant, c'est comment aussi toutes les féministes et les femmes se sont battues pour que, enfin, les vraies femmes, vraies féministes, se sont battues pour qu'elle revienne et qu'elle retrouve ses pouvoirs. Et peut-être que c'était plus facile pour Marston de faire passer justement ses idées féministes en faisant un personnage qui était comme ça un petit peu, peut-être extraterrestre, hein, peut-être qu'il s'est dit bon, ça passera mieux si on ne la met pas vraiment dans l'humanité. Mais en tout cas, les féministes se sont battues suite à cette perte de pouvoir complètement horrible pour tous les fans aussi, je pense, parce que quand même, c'était quand même horrible de faire ça à Wonder Woman. Et dès les années 70, elle a été en une de magazines féministes, et ça a sûrement permis d'aboutir à la série de 1975, qui est vraiment extrêmement féministe. Enfin, là, j'ai revu les épisodes, les premiers pour en parler, et dans le pilote, elle dit « La femme est l'avenir de l'humanité et le matriarcat sauvera le monde », après avoir collé un pain à un nazi dans un avion. Donc là, je veux dire, il n'y a pas de message caché, oui, tout oui, ça, oui. C'est hyper explicite. Là, il y a un agenda précis. Ah, là, c'est clair, là, c'est bon, quoi. Elle est revenue et elle est là, quoi. Alors, je me demandais si ça avait vieilli. Ah non, c'est hyper. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire explicitement les choses comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, elle dit « Bah oui, bien sûr, non, mais les femmes peuvent très bien faire ça. » C'est très, très, c'est explicite. Son féminisme est explicite d'une façon qui, aujourd'hui, est, je trouve, assez invisible. Mmh. Arnaud Tomassini, dans tous les arcs scénaristiques de Wonder Woman en comic book, lequel a retenu votre attention ? Il y en a quand même pas mal. Bah oui. Peut faire. Non, mais après, il y a certains runs qui sont très connus de façon générale chez DC Comics, notamment le run de Wolfman et Perez, qui a redéfini en fait l'héroïne. Il a vraiment su implanter Wonder Woman dans le contexte mythologique grec, qui est absolument fondamental pour tout ce qui est venu par la suite. Moi, dans mes préférences personnelles, je recommande surtout des récits complets en fait qui permettent de découvrir le personnage de façon assez simple. Il y a un roman graphique qui s'appelle The True Amazon de Jill Thompson, qui est tout en peinture, qui est magnifique, qui est une origin story très très simple et très belle. Il y a aussi Renée DeLise, qui est une autrice qui a fait The Legend of Wonder Woman, donc qui est traduit en Wonder Woman Legendary dans la collection Urban Link, qui est une approche un peu plus adolescente. Enfin, pareil, aussi une origin story qui permet de découvrir le personnage, son background, ses pouvoirs. Une suite devait paraître, mais un autre projet sur les Amazones a eu lieu. Du coup, l'équipe créative, donc René Delise et Ray Dillon, qui est aussi son mari, en fait, ont levé la voix pour dire, mais votre projet Odyssey of the Amazon, ça ressemble vachement au Legend of the Amazons qu'on voulait faire. Et du coup, vu qu'ils ont gueulé publiquement, ils ont fait, votre projet, il passera à côté. Mais c'est pas grave, parce que sa mini-série a vraiment été excellente. Et c'est con, mais de façon très moderne, il y a un truc qui s'appelle Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, qui pour moi est déjà devenu, alors que ça s'est sorti il y a un an et ça vient de sortir en VF, qui est déjà pour moi l'un des meilleurs récits sur Wonder Woman, parce que c'est un auteur qui a réussi à comprendre, enfin qui réussit à remettre au centre de l'attention en fait ce qu'elle est, ses valeurs, ce qu'elle incarne, et surtout le fait que malgré son origine divine, elle reste extrêmement faillible, et ça ajoute un niveau de plus sur la complexité du personnage, son rapport à l'amour, à la guerre, à ses pouvoirs. Et justement, parlons de ces contrastes et de cette de ce paradoxe qu'on peut établir chez Wonder Woman entre sa vision du monde, son message et ce qu'elle représente et ce qu'elle est. C'est-à-dire que comme l'a dit Mélanie Boissonneau, c'est un personnage qui a été récupéré par les féministes, et on le comprend parce que son message est sibyllin, mais en même temps avec un corps, elle porte un maillot de bain, c'est un bustier avec des bottes énormes, elle est beaucoup plus grande que tout le monde, c'est aussi un fantasme d'homme, Wonder Woman, elle a été dessinée majoritairement par des hommes, donc il y a cette dualité entre un message d'émancipation et en même temps vu par et dessiné par des hommes, Océane. Ouais, elle me fait beaucoup penser à ce qui s'était passé avec Charlie, cette drôle de dame, où on avait à la fois cette volonté d'émancipation, mais écrite par des hommes en majorité. Des hommes blancs, me dit-on dans Et hétéro. Et hétéro. Mais c'est vrai que pour moi, Wonder Woman, c'est peut-être un des personnages où j'ai le plus de mal à l'approcher. Alors, j'étais un peu amoureuse d'elle quand j'étais petite dans le dessin animé de la Justice League, où c'était une des seules femmes de l'équipe avec Hawkgirl, et pour moi, c'était mes deux préférées à l'époque. Et c'est vrai qu'elle incarne quand même une sorte d'idéal physique qui est quand même un petit peu restreint, parce que c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas le 36, voire le 38. Mais d'ailleurs, toutes les Amazones, elles sont toutes sur le même... C'est-à-dire que c'est un modèle de perfection, mais dans lesquelles toutes les femmes ne peuvent pas se retrouver, si ce n'est certaines représentations. On commence à dessiner des Wonder Woman un peu plus en chair, et on a vu que les fans n'étaient pas du tout heureux et qu'ils se sont moqués des dessins du Wonder Woman qui était en plus size, et c'était d'ailleurs très très insultant. Mais justement, l'idée qu'elle soit aussi parfaite, en fait, moi, j'ai eu un peu de mal à m'identifier à elle tellement elle était parfaite. C'est-à-dire qu'elle incarne la bonté, elle incarne la générosité, la gentillesse, la douceur. C'est quelque chose sur lequel Marston tenait énormément, c'était qu'elle soit très douce et pas du tout dans la violence, pas du tout dans l'énervement ou la colère. Et justement, je trouve que Wonder Woman mériterait parfois d'être un peu en colère. Alors, il y a certaines histoires dans lesquelles... Oui, c'est sûr. Mais il y a certaines histoires dans lesquelles elle montre aussi qu'elle peut être une guerrière particulièrement impitoyable. Et d'ailleurs, elle fait ce que d'autres super-héros s'interdisent des fois de faire, c'est qu'elle, quand elle estime que c'est nécessaire, elle tue. Wonder Woman a tué là où... Batman aussi, mais simplement, il prétend toujours ne pas le pas faire. Mais il y a cette dimension-là. Maxwell Lord, qui est l'ennemi, un ennemi récurrent dans beaucoup d'histoires de Wonder Woman, l'a payé chèrement. Il y a cet aspect, une fois de plus, ce contraste très très fort aussi chez Wonder Woman, qui c'est une guerrière, c'est une Amazone qui peut être très sauvage aussi. Mais... Oui. Bah, tu veux y aller peut-être. C'est-à-dire qu'on en revient au féminisme. C'est-à-dire que il y a plusieurs formes de féminisme et Wonder Woman c'est un symbole. On est dans la mythologie de toute façon. Chez DC en général, les personnages sont des icônes et ils représentent, je dirais, plusieurs aspects d'une mythologie comme la mythologie grecque à l'époque. Donc c'est logique. Quand on lit Dead Earth, on peut pas le lire autrement qu'en voyant un discours sur les différentes formes de féminisme, sur cette histoire de soumission qui fait qu'elle accepte la soumission des bracelets pour ne pas libérer une colère qui serait tellement énorme qu'elle brûlerait le monde des hommes. Enfin, il y a des choses. À partir du moment où on part dans la mythologie, il faut voir tout en tant que symbole. Et pas forcément en tant que tous les dieux et les déesses sont parfaits de toute façon physiquement. Donc je pense que c'est plus les idées qui sont véhiculées, voilà, l'héritage mythologique qui fait qu'il y a plusieurs façons d'appréhender le féminisme et que elle est au milieu de ça. Et selon les moments, elle va être, et selon les auteurs aussi, parce que il faut aussi des bons auteurs qui comprennent ça et qui soient pas juste sur le premier degré d'une fille en bikini qui a un lasso. mais ça permet d'explorer vachement de thèmes autour du féminisme. On va continuer de parler de l'Amazone guerrière Wonder Woman, mais pour le moment, on va écouter aussi une femme de fort caractère. On va écouter Clara Luciani qui nous chante le reste. Je ne suis qu'une imbécile. Allongé sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. C'était Le Reste de Clara Luciani. Blockbuster. Je suis pas mauvaise. Frédéric Sigrist. Je suis juste dessinée comme ça. Sur France Inter. Nous sommes toujours avec Océane Zerbini, Mélanie Boissonneau, Jérémy Manès et Arnaud Tomassini pour évoquer la princesse guerrière, l'Amazone, la princesse de Themyscira, Wonder Woman. Tout ça est donc vrai, n'est-ce pas, Steve? Tout ce dont ma mère m'a mise en garde au sujet du monde des hommes. Elle m'a même dit que tu essaierais de me séduire. Et moi, comme une imbécile, je lui ai répondu: pour l'instant, laissons une chance à ce pilote de montrer le meilleur de lui-même. Vous m'avez fait boire toute la soirée. Vous espériez vraiment tenir mieux l'alcool qu'une Amazone? Oh merde! Je savais parfaitement quelles étaient vos intentions. Je vous prierai de surveiller votre langage en ma présence. Monsieur, dame? Navré de vous déranger, mais nous distribuons des contraventions de stupidité. Et amener un rancard dans un quartier réputé dangereux à une heure aussi tardive, y avait pas plus stupide comme idée. Cet homme cherche-t-il à nous voler? Tenez, il y a aussi une entrée gratuite au crabe bleu dans mon portefeuille. Amusez-vous bien. Non, ne lui donnez rien. Ton portefeuille? Non. Tenez, gardez-moi ça, s'il vous plaît. Moi, il y a une chose que j'attends de vous. Ce sont des excuses pour avoir pleinement contribué à ma grande désillusion sur les hommes en général. Non, mais t'entends ce qu'elle dit, cette cinglée? J'ai horreur de me répéter. Ton portefeuille! Diana, attention, il est armé. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est peut-être exactement ce que je veux. Alors, Je suis désolé. Excuse acceptée. Voilà, ça c'est Wonder Woman. Et justement, si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que j'aimerais avoir votre avis sur les adaptations de Patty Jenkins. On va parler donc de Gal Gadot, de Wonder Woman 2017, enfin qui est sorti en 2017, et de Wonder Woman 1984, qui n'est toujours pas sorti, qui est un peu comme le spectacle de Jérémy ou le mien. Bon, bah, il reviendra quand il pourra. Et c'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est quand même très triste de se dire que l'année où deux gros films mettant des super-héroïnes en scène, Birds of Prey, ont quand même eu, oui c'est le seul qui est sorti, ont quand même eu des problèmes chaotiques de sortie. C'est complot, complot masculiniste, tout le Covid, tout ça. On va tout ça pour pas sortir deux films de super-héroïnes la même année, c'est incroyable. Donc que dire, est-ce que pour vous, rapide tour de table, est-ce que pour vous Wonder Woman de Patty Jenkins est une bonne adaptation de Wonder Woman? C'est Jérémy Manès. J'aimerais pouvoir dire oui, mais le film s'écroule complètement sur le troisième acte. Il y a des choses qui sont bien. Warner a toujours du mal avec ses adaptations de super-héros, je trouve, depuis un moment. Et il y a beaucoup de choses qui sont bien, je trouve, dans Wonder Woman. Notamment des choses qui sont là parce que la réalisatrice s'est battue, mais que le studio ne voulait pas garder, comme cette traversée. No Man's Land oui. Devait sauter au montage. Moi, j'ai entendu ça. Ça aurait été dommage. C'est une scène où Wonder Woman traverse des tranchées pour aller sauver des soldats toute seule. C'est elle qui mène. Et là, on a vraiment l'ange de monstre. Enfin, il y a un truc très. Et par contre, sur la fin, on retombe dans les travers des films d'ici, c'est-à-dire des images de synthèse qui sont absolument lamentable, puis un truc voilà vraiment de pim pam poum qui est beaucoup moins intéressant. Donc c'est très dommage. En le revoyant, je me suis dit c'est quand même très dommage. Mélanie Boissonneau. Alors moi, n'étant pas forcément une spécialiste autant que vous des mais comics, justement, c'est voilà, intéressant. Moi, en tant que film de super-héros, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Parce que enfin quoi, voir une héroïne qui était quand même très crédible. Assez, même si elle est sublime et qu'elle est, c'est une ancienne mannequin et tout ça, elle est quand même assez athlétique. Et ça, on le voit pas souvent, des femmes un peu musclées quand même qui se battent, on voit pas souvent, donc ça fait plaisir. Et voilà, c'est moi je trouve voilà, c'est un film qui fait plaisir, comme Captain Marvel. Alors après, en termes d'adaptation, on peut discuter. Même le film est beaucoup trop long, mais comme beaucoup de films de super-héros, je trouve. Mais voilà, 2h20, c'est beaucoup. Mais non, moi pour moi c'est une bonne adaptation, et surtout grâce à Gal Gadot et à la réalisation de Patty Jenkins qui essaye d'aller voir un peu différemment de ce qui se fait d'habitude, quoi. Arnaud. Bof. Non, je suis un fan de personnages DC et de Wonder Woman, donc je suis très content aussi de pouvoir l'avoir sur grand écran, mais j'aurais toujours énormément de reproches à faire sur le traitement de l'histoire de façon générale, le traitement de l'héroïne, mais même sur ces thématiques finies, je suis pas le plus expert sur ces questions, mais avoir notamment dans les films une Wonder Woman qui se définit quand même à 95% par sa relation amoureuse avec Steve Trevor, c'est quelque chose qui est, je trouve, très problématique dans le premier film, qu'il est également dans le second. Malgré tout, il y a des choses qui réussissent, qui a à se dégager du reste de, en fait, de la production super-héroïque, et qui font que j'arriverai jamais à les détester. Mais ce qui est embêtant, c'est que on a tellement peu de films en fait de super-héroïne, on a tellement peu de films aussi avec des femmes aux commandes, que forcément d'un coup t'as presque envie d'être et heureusement, mais même la mire était mieux que Catwoman. Le truc, c'est que parfois t'as une forme de rareté qui fait aussi que t'as envie d'être plus exigeant, et que si jamais ça dépasse pas des attentes exceptionnelles, en fait, du coup, c'est nul. Bon, on n'attend pas, on n'a jamais demandé à Peter Hain de faire des bons films Ant-Man and the Wasp, et c'est exceptionnel, et d'un coup tu te retrouves à parfois avoir des attentes démesurées et parce que c'est Wonder Woman aussi, donc c'est un peu compliqué. Donc après ils ont pas le même statut, ça ouvre la voix, quoi. C'est vrai qu'il faut pas bouder son plaisir. Non. Ça va ouvrir la voie à plein de films. La musique est quand même géniale aussi. La musique a été mise. Mais non, ça ouvre la voie, ça, c'est clair. Et puis c'est le succès aussi qui, au-delà du personnage et de l'adaptation, c'est le fait qu'elle ait marché qui a permis que, sans doute, tout se débloque aussi, quoi. Ouais, je trouve que le constat est un peu triste de ce côté-là, de dire ouais, il a quand même fallu la preuve par l'argent pour que vous vous rendez compte qu'en fait, faire des films avec des femmes en lead, ça marchait, les gars, ça fait 20 ans que vous pouviez le faire, en fait. Qu'est-ce que vous avez attendu? Océane. Moi, je pense que ça doit être le film préféré de plein de petites filles, et rien que pour ça, je suis très contente qu'il existe. Moi, j'avoue que la réalisation de Patty Jenkins, effectivement, elle prouve qu'on a besoin de réalisatrices aussi parfois pour filmer des femmes, et ça fait tellement du bien. Pour moi, c'est vraiment une petite respiration qui n'était pas forcément la plus féministe qui soit, et que je trouve encore c'est un peu féminisme 1.1 pour les nuls. Mais en soi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il faut bien commencer quelque part, et surtout, je trouve que le contraste est extrêmement criant quand on voit comment Zack Snyder ou même Joss Whedon sur le montage de la Justice League, qui est pour le moment canon, la film, c'est là que ça rappelle aussi. Quand on dit canon, c'est pas apprécié, c'est pas dire qu'on apprécie. Hein, voilà, pour l'instant, c'est le montage validé par les studios. C'est ça, mais pour le moment, en matière de cinéma, c'est clairement Patty Jenkins qui a le mieux compris le personnage, et elle-même s'était plainte il y a quelques jours qu'effectivement, selon les réalisateurs, sa vision de Wonder Woman changeait complètement, était complètement dépossédée de toute son essence féministe, et je suis assez d'accord. Donc à défaut de trouver que c'est un grand film, je trouve que ça reste un divertissement un peu pulp qui n'est pas non plus si affreux que ça. C'est vrai que Warner va avoir un énorme problème quand même à gérer la caractérisation de cette Wonder Woman, notamment avec le second film qui arrivera, et le retour ensuite à celle de Zack Snyder dans Justice League, qui n'ont, et on en reparlera plus tard, mais qui n'ont tellement plus rien à voir, en fait. C'est un grand écart de, ou alors c'est-à-dire qu'il y a encore ce qui se passe dans le troisième film doit encore se dérouler entre 84 et Justice League pour expliquer quelque chose, mais il y a quand même des problèmes de caractérisation énormes. Jérémy? Et par contre, oui, juste pour rebondir à ce qu'a dit Mélanie tout à l'heure, après Wonder Woman, effectivement, on peut se satisfaire de ce qu'il y a dedans, mais pour moi, pour une vraie œuvre féministe qui pousse les curseurs beaucoup plus loin, il faut aller sur Jessica Jones, qui l'a carrément. Mais en blockbuster, c'est pas possible. Oui, Jessica Jones, c'est ça le. Mais qui inverse carrément le test de Bechdel, enfin des choses comme ça, qui sont assez jouissives à voir. On va continuer d'évoquer Wonder Woman, mais pour le moment, on écoute Dry Cleaning sur France Inter. Filter. I love these matty oaks, don't you? do everything and feel nothing. Wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing. Together, you've got a new coat, new hair. Well, I tell you one thing, you've got it coming. One day you're gonna get it. C'était Dry Cleaning, un choix de notre programmatrice musicale Muriel Pérez que l'on ne remerciera jamais assez. Doucement. Tu as de la chance d'être en vie, alors économise tes forces et repousse-toi. Est-ce que vous avez empêché Ares de nuire ? Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu. Comment ? Mais pourquoi ? Il a fallu que je te sauve. Ah ! Je ne vous ai pas demandé de me sauver. Je vous ai demandé de stopper Ares. Et si j'avais pas été là, tu ne serais plus de ce monde à l'heure qu'il est. Je suis une Amazone. Nous sommes préparés dès la naissance à donner notre vie au combat. Je savais parfaitement à quoi m'en tenir en acceptant cette mission. J'ai parié que vous auriez agi différemment si j'étais un homme. Oh, voilà, ça recommence avec la discrimination sexuelle. Tu veux que je te dise ? J'en ai ma claque de t'entendre répéter à tout bout de champ que les hommes sont tous des monstres. Il n'y a que la vérité qui blesse. Tu sais quoi ? Les Amazones ne sont pas si parfaites non plus. Vous agissez avec courage, mais avoir choisi de vous couper du reste du monde était lâche. Je dirais même plus, complètement stupide. Comme si couper la communication entre les hommes et les femmes était la solution. De quel droit vous nous jugez ? Minute, j'ai pas terminé. T'as rencontré ton premier homme il y a quoi, hein ? Moins d'un quart d'heure ? Et tu penses avoir déjà tout compris à notre sujet ? Eh bien, navré de te décevoir, mais à chaque fois qu'un homme agit, il n'a pas forcément une arrière-pensée misogyne dans la tête. On n'ouvre pas des portes et on ne tire pas des chaises aux femmes dans le but de vous rabaisser. Puis je ne t'ai pas sauvé parce que je te considère comme une demoiselle en détresse. Hein, si je t'ai sauvé, c'est parce que je... Parce que je tiens énormément à toi, Diana. Et je n'abandonne jamais un ami qui est dans le besoin. Homme ou femme. Vous auriez dû sauver le monde au lieu de vous occuper de moi. J'ai pensé qu'il ne servait à rien de le sauver si tu n'en faisais plus partie. Ah ! Tu m'as démonté la mâchoire, espèce de folle tigresse amazone ! On a du pain sur la planche. On vient d'assister à un beau moment de « Not all men !» Comme dirait Océane, c'est « Pas tous les hommes sont comme ça, voyons !» Mais pour le coup, je trouve que ce film de Lorraine Montgomery illustre mais absolument tous les débats qui agitent notre société actuellement. Ouais, c'est un très chouette film d'animation. Montrez-le à vos enfants, il est très cool. Et d'ailleurs, pour le mettre en comparaison avec le film de Patty Jenkins, moi c'est uniquement ce point qui m'a vraiment gêné, mais que je trouve rédhibitoire, c'est que le personnage de Wonder Woman est un personnage qui se débrouille très très bien tout seul. Et j'ai trouvé dommage que dans le premier film consacré à ce personnage, on lui vole le sacrifice que Steve Trevor. Voilà, si jamais vous n'avez pas vu le film, n'écoutez pas ce que je vais dire. Je vous laisse quelques secondes pour partir. Voilà, j'imagine que vous êtes parti, sinon c'est à vos risques et périls. Quand il monte dans l'avion pour se sacrifier, alors que c'est Wonder Woman, c'est la scène de fin, etc. Et juste parce qu'il se sent obligé de le faire parce que c'est son boulot. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, pas dans un film Wonder Woman, accepte que d'être sauvé par elle, c'est pas ton film, c'est pas ton taf. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage par rapport à l'essence même du personnage, qu'on n'accepte pas l'idée que, voilà, elle pouvait gérer l'affaire toute seule. Et qu'elle était obligée de voir son amour exploser en plein vol pour se dire, oh, finalement, il faut que je... Pour moi, c'était... C'était justement à mettre un schéma très paternaliste, très patriarcal dans un film qui était censé être autre chose. Donc moi, c'est ça qui m'a gêné. Et c'est pour ça que je conseille énormément ce dessin animé de Lorraine Montgomery où Steve Trevor, même si on sent qu'il est très attaché à Diana Prince et elle aussi, eh ben, elle a un taf, c'est une guerrière, elle a vécu des centaines d'années et elle sait quoi faire toute seule. C'est important aussi, voilà, pour les petites filles. C'est ça. C'est bien de leur apprendre aussi qu'elles n'ont pas forcément besoin des hommes, qu'elles peuvent se reposer soit sur leurs propres épaules, soit aussi sur la sororité. C'est très important. Mais c'est, et on peut aussi revoir la série quand même des années 70, parce ouais. que, alors là, pour le coup, Steve Trevor, il passe son temps à se faire kidnapper et à ne jamais arriver à rien faire. Et Wonder Woman a le sauvé. Donc là, pour le coup, on a bien compris qui réussissait à faire les choses et qui n'y arrivait pas dans la série. Et on parlait pendant l'extrait précédent de films qui avaient réussi à faire cette synthèse entre un féminisme plutôt efficacement montré, mais sans en faire des tonnes. Et on a parlé de Black Panther. Parce qu'il y a énormément de points communs entre Wonder Woman et Black Panther. On parle tous les deux de civilisations qui se sont tenues à l'écart. On parle de deux icônes, Black Panther et Wonder Woman, pour lesquelles beaucoup de gens ont dit « Non mais attendez, il n'est pas représentatif des Africains, elle ne représente pas toutes les femmes. » J'ai l'impression en fait que, même si c'est des personnages très différents, il y a un socle commun entre T'Challa et Diana Prince. Vous en pensez quoi? Oui, c'est vrai. Et puis, ils ont le même succès commercial. C'est-à-dire, sur des films où beaucoup de gens qui n'auraient pas misé dessus, et ben, ça a fonctionné. Mais voilà, c'est vrai que le succès de Wonder Woman a rendu indispensable dans les films de super-héros que les personnages féminins soient pas transparents. Et c'est vrai que dans Black Panther, on a envie de voir un film avec que les Dora Milaje. Ouais. Et alors, pour terminer, quelqu'un qui ne connaîtrait pas Wonder Woman, parce que en faisant ces émissions, moi j'ai quand même toujours le secret espoir que les gens se remettent à vraiment lire de la bande dessinée et découvrent ou redécouvrent tous les plaisirs intrinsèques à ce média. Quel arc scénaristique on pourrait conseiller à quelqu'un, voilà, qui aurait envie de lire Wonder Woman et qui se dit bah tiens c'est le mois de janvier, qu'est-ce que je peux acheter, Océane? Bah, honnêtement, Arnaud en a parlé tout à l'heure, mais Dead Earth de Daniel Warren Johnson, je trouve que c'est une très bonne illustration de ce qu'est Wonder Woman. Et je l'ai mis sur mon sapin à Noël. Ouais, c'est ça. J'ai mis sur mon sapin à Noël. Mais c'est vrai que c'est vraiment très très beau, comme tout ce que fait Daniel Warren Johnson de toute manière. C'est quand même un style artistique qui peut être assez clivant de façon générale, parce que c'est un vrai style. C'est vraiment un travail d'auteur sur un personnage iconique. Donc, et par le propos très graphique aussi, hein, puisque c'est violent, c'est extrêmement violent. Donc c'est pas forcément le truc à offrir à son petit frère ou à sa petite sœur, à des personnes de jeune âge. Donc dans ce cas-là, je dirigerais plus vers ce que je disais avant, un Wonder Woman Legendary chez Urban Link, qui est vraiment qui pour le coup est vraiment à tout public et qui est vraiment le récit d'origin story classique, bien construit, vraiment carré, efficace, qui va pas réinventer la roue, mais qui fait les choses bien. Et on a besoin de faire les choses bien. Et en plus, du coup, c'est fait par une autrice aussi. Donc c'est important de mettre ces travaux en avant. Donc voilà. Parce que j'ai d'autres récits en tête, mais en fait, c'est souvent des séries, au final, des démarrages de séries qui permettent des trucs. Par contre, sinon, quand même, le run de Perez et Wolf, c'est incroyable. J'allais dire ça quand même, parce que c'est quand même le run qui a amené vraiment la mythologie au cœur du personnage de Wonder Woman. Donc, pour les gens qui aiment bien ça aussi, qui aiment bien la mythologie grecque et tout ça, ça peut être aussi une porte d'entrée, quoi. Mélanie? Moi, je prends des notes pour ma fille qui, donc, a découvert Wonder Woman. Elle a 9 ans et elle adore. Donc, je vais lui faire lire. Donc pas. Ouais, j'ai noté. Pas tout. Ce sera carrément pour elle, puis elle pourra découvrir Dead Earth après. Eh bien, moi, je vais compléter avec le run, le cycle de Brian Azzarello, dessiné par Cliff Chang, que j'avais adoré sur Wonder Woman. C'était au moment du lancement. C'est sorti chez Urban. Au moment du relancement 52. Ouais. Et le traitement qui avait été fait par Brian Azzarello, j'avais vraiment trouvé formidable, qui replongeait dans la mythologie grecque, dans la dimension soap-opéra de ces dieux grecs. Et comme je suis passionné par ça m'a beaucoup plu. Et évidemment Prométhée, qui n'est pas Wonder Woman à proprement parler, qui reste dans la même ligne, mais scénarisé, écrit par Alan Moore, et voilà quoi. C'est qu'on soit d'accord ou non avec toutes ces prises de position ou tout ce qu'il dit, les voyages initiés par Alan Moore sont tellement une de ses œuvres les plus méconnues, voilà. Et qui est vraiment pour moi au sommet de la pile de ce qu'a fait Alan Moore. Donc voilà, je pense que là vous avez quand même des bonnes heures de lecture devant vous. C'est la fin de cette émission. Océane Zerbini, Mélanie Boissonneau, Jérémy Manès et Arnaud Tomassini, merci beaucoup. Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur la page Facebook de l'émission. Et il y a évidemment Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Waouh, la dernière fois que j'ai fait ce rêve-là, j'avais 13 ans. Tu ne parleras que quand on te l'aura demandé. Juste après le journal, vous avez rendez-vous avec Sonia Chironi pour un monde nouveau. Bonjour Sonia. Bonjour Frédéric. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien ce soir, on va explorer la thématique de l'engagement avec Lucie Pinson, la fondatrice de l'ONG Reclaim Finance, qui se bat pour une finance propre. Et puis Tony Gatliff, le réalisateur, vient nous présenter son 23e long métrage, Tom Medina, qui sort après-demain. France Inter.